France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire des moines chevaliers du Riage. Nous sommes en 1940, la débâcle a laissé KO toute une génération de Français humiliés. La démocratie française est morte, alors que s'installe le régime de Vichy. Pour redresser le pays et faire sa grande révolution nationale, le gouvernement du maréchal Pétain lance de grands programmes éducatifs pour former, à son image bien sûr, la jeunesse du pays. Parmi lesquels la création d'une école de cadres pour la nation, prototype vichysois de ce que sera l'ENA républicaine, elle. Sur un éperon rocheux, au beau milieu des Alpes, le château médiéval du Riage accueille cette école d'un genre nouveau, dans laquelle de jeunes hommes sont éduqués à devenir les chefs de demain. Mais gouverné par l'ambigu capitaine du noyer de Ségonzac, lui-même entouré d'équipes d'intellectuels brillants, dont un certain Hubert Beuve-Méry, l'école devient un espace de contestation et d'épanouissement d'une pensée libre qui va échapper peu à peu aux forces du maréchal Pétain et s'engager dans la résistance. À Noël 1942, cas unique dans l'histoire de la France sous l'occupation, c'est toute une institution de Vichy qui prend le mec. Notre invité aujourd'hui, Olivier Viorca, professeur d'histoire contemporaine à l'ENS Cachan Paris-Saclay et auteur de nombreux ouvrages de référence sur la résistance, notamment « Histoire de la résistance de 1940 à 1945 », publié en 2013 chez Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Étienne Bertin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Noël 1942. Un feu de cheminée éclaire la grande salle du château du Riage, perdue dans les nuages noirs qui enserrent le massif de Belledonne. Le capitaine du noyer de Ségonzac est accoudé à la pierre chaude, l'air grave. Il n'a que 36 ans, mais ici tout le monde l'appelle respectueusement le vieux chef. Suspendu à ses lèvres, se trouvent les membres du bureau d'études ainsi que tout le personnel de l'école des cadres du Riage que Ségonzac a fondé à l'automne 1940. Pendant 2 ans, plus de 3000 jeunes hommes viennent ici suivre des stages, participer à de durs entraînements physiques, écouter des conférences, contribuer à des études sociologiques et à des débats sans fin sur la politique, l'économie, la société, la philosophie, les arts, bref. Se former à devenir les chefs virils, éduqués juste de la France de demain. Ici, entre les murs épais de ce château de montagne, à l'abri, pense-t-on, on croit avoir inventé un nouveau style de vie, un nouvel esprit français. Un espace de liberté dans une France qui bientôt sera gouvernée par un système totalitaire. C'est avec le ton solennel et la prestance que tout le monde lui connaît, ici, que Ségonzac annonce alors à ses camarades la nouvelle crainte, mais attendue. Pierre Laval, le chef du gouvernement de Vichy, a signé par décret la fermeture immédiate de l'école. Un mandat d'arrêt a été prononcé contre la plupart des responsables. C'en est fini, il faut fuir. Bientôt, les chars allemands et les troupes de la milice française entreront dans la cour du vieux château. Alors le temps presse. Mais tout est déjà prêt pour la suite. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il ne reste plus qu'à se dire adieu. Gilles Ferry, membre de l'école, est présent lors de ce moment dramatique et épique. Il témoigne au micro de France Culture. Et alors, on s'est donné rendez-vous solennellement, à minuit, on était tous rassemblés sur le stade, pour amener le drapeau du Riage. Et alors, on l'a découpé en petits morceaux, chacun en a pris un morceau, et ça a été le moment où on s'est dit adieu et bonne chance. Nous avions à ce moment-là chacun des destinations dans la résistance. Une fois le drapeau partagé, du noyer de Ségonzac ajoute : Dieu veuille que nous puissions être tous là pour le reconstituer au jour de la libération. En quittant ses camarades, sous ce ciel étoilé, son vœu est alors double. D'abord, que ses compagnons survivent aux durs combats qui les attendent dans la résistance, que tous, ou presque, ont choisi de rejoindre, prenant conscience que le régime de Vichy va à l'encontre de leurs valeurs. Tout proche du Riage, dans le Vercors, mais aussi dans la France entière, les maquis se forment. Et il y a tant à faire pour aider à leur organisation, leur cohésion. Du Riage veut participer à l'œuvre d'union des résistances que Jean Moulin commence tout juste. Ensuite, Le vieux chef, comme on l'appelle, souhaite retrouver ses compagnons à la fin de la guerre pour perpétrer l'aventure collective entamée à Uriage et continuer les grands travaux de refonte de la société française. Dans la nuit étoilée du massif de Belledonne, les hommes d'Uriage pensent même à fonder un ordre chevaleresque pour perpétuer leur action. Et 18 commandements sont édictés. Commandement 1. Se plaçant dans l'évolution du monde vers des formes de vie collective, prendre pour but la libération de l'homme sur tous les plans, économique, social, spirituel. Commandement 2. Prendre pour principe la fin ne justifie pas tous les moyens. Commandement 4. Développer au maximum ses possibilités physiques par la pratique du décrassage quotidien. Commandement 7. Faire dans sa vie une large place au désintéressement et au détachement. Commandement 9. Faire de sa vie intérieure un engagement et une recherche toujours approfondie. Commandement 14. Être d'une totale loyauté envers les membres de l'ordre. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce mystérieux ordre d'Uriage. Et pour cause, il est resté un vœu pieux. Parce que si l'amitié perdure entre ceux qui connurent l'école d'Uriage entre 1940 et 1942, la vie après les combats de la Résistance et la Libération amène chacun vers des chemins bien différents. Et quel chemin ? Nombre de ces hommes se font un nom dans la France de la 4e et la 5e République. Et pas des moindres. Hubert Boeuf-Méry, fondateur du journal Le Monde, l'abbé de Lonroy, compagnon de la Libération et décoré juste parmi les nations. Paul Delouvrier, éminent fonctionnaire, grand artisan de la planification et dirigeant d'EDF. Emmanuel Mounier, Jean-Marie Domenac, directeur de la revue Esprit. Paul Reuters, artisan de la création de la Communauté économique du charbon et de l'acier, l'ancêtre de l'Union européenne. Simon Nora, directeur de l'ENA. Yves Robert, éminent réalisateur de La guerre des boutons. Et peut-être François Mitterrand. Les sources ne sont pas assez complètes pour pouvoir l'affirmer. On y trouve aussi des hauts fonctionnaires, des intellectuels, des officiers de l'armée, des artistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'esprit d'Uriage essaime dans la France des Trente Glorieuses. Mais noyé dans les souvenirs refoulés de Vichy, l'histoire de l'école se perd quelque peu. Avant de ressurgir à grand renfort de controverses dans les années 70 et 80. Institution fasciste, héros de la dernière heure ou véritable école de la résistance ? Pour bien comprendre ce que fut Uriage, il faut revenir à la croisée des chemins. Été 1940, une drôle effervescence règne dans la nouvelle capitale du pays vaincu, Vichy. À la radio, le maréchal Pétain dessine les contours de la grande révolution nationale qu'il veut mener et qui paraît déjà un peu grippée. Votre travail sera défendu. Votre famille aura le respect et la protection de la nation. La France rajeunie veut que l'enfant remplisse vos cœurs de l'espoir qui vivifie et non plus de la crainte qui dessèche. Ces vieilles traditions qu'il faut maintenir, ces jeunes ardeurs qui communieront dans un zèle nouveau, forment le fond de notre race. Dans la ville thermale dont manifestement les poumons de Pétain ont besoin, les trajectoires de milliers de jeunes Français et Françaises se croisent au milieu de curistes et des nouvelles institutions gouvernementales qui s'installent dans la pagaille. Tous cherchent une nouvelle direction à donner à leur existence. Alors, que faire ? Où aller ? Où atterrir ? Le jeune capitaine de cavalerie, Pierre Dunoyer de Ségonzac, est un de ceux-là. Le souvenir de son bataillon balayé en quelques heures par les Allemands le hante. Et il ne cesse de ressasser les causes de cette défaite. Faillite des renseignements, faillite de l'état-major, faillite des politiques, bref, faillite des élites. Pour ce descendant d'une famille d'officiers français, tendance royaliste, les coupables sont tous trouvés. La Troisième République et la faiblesse réelle ou supposée de sa classe dirigeante. L'appel du 18 juin du général de Gaulle, Ségonzac ne l'a pas entendu, comme la plupart des Français d'ailleurs. Mais il est au courant qu'une petite armée de Français se forme à Londres. Comment ne pas y voir une désertion chez les Anglais, qui plus est, qui n'ont pas hésité à couler toute la flotte française et 1000 soldats avec, à Merselkébir, au début du mois de juillet, on connaît la musique. Avec Pétain, à qui Ségonzac voue un culte, il croit la France capable de reprendre un jour les armes et bouter l'ennemi hors du territoire. Mais pour cela, il faut trouver et former les hommes capables de mener le combat. Dinoyé de Ségonzac a un projet improbable. Il veut fonder une école des chefs. Il se trouve que dans cet embryon d'État qu'est Vichy, tout paraît possible. Bénéficiant d'appui au sein du nouveau secrétariat général à la jeunesse, le jeune capitaine obtient une première subvention pour mener à bien son projet. Pour l'accompagner, il se rapproche de vieux camarades de la cavalerie, mais pas seulement. L'abbé René de Nauroy, lui aussi, a connu les combats du printemps 40. Cet aumônier de 34 ans, qui effectua de nombreux séjours à Berlin, connaît tous les crimes nazis. Pour lui, pas de doute, il faut urgemment reprendre la lutte. Il aurait voulu rejoindre De Gaulle à Londres, mais son évêque lui a demandé de rester pour sauver l'âme du pays de l'intérieur. Au micro de France Culture, il se souvient de ses premiers mois d'internement. Un ami de Grenoble m'écrit en me disant « Un type qui s'appelle Durier de Ségonzac veut fonder une école de chef de type dur, ayant du caractère. » Je lui dis « Mais il est dans les mêmes idées que toi et moi ?»« Oui, oui, dans nos idées. » C'est-à-dire reprendre le combat dès que possible. Il est actuellement en train de chercher du fric et il a des camarades qui sont dans les mêmes idées au ministère de la Jeunesse à Vichy et avec eux, il veut essayer d'obtenir un peu d'argent. Puis j'ai rencontré Ségonzac, donc, qui avait occupé une petite chambre de bonne dans une misérable maison de Vichy. Et je lui dis tout de suite, voilà, j'ai voulu partir en Angleterre tout de suite. Après la guerre, j'ai demandé l'autorisation de mon supérieur, Mgr Saint-Liège, qui ne me l'a pas accordé. Voilà pourquoi je suis disponible. Avec l'abbé de Nauroy comme aumônier, l'école des cadres des chantiers de jeunesse s'est créée dans un domaine à une vingtaine de kilomètres de Vichy. Beaucoup trop proche du pouvoir pour être parfaitement indépendante. Dinoyé de Ségonzac le sait. Pendant que la première promotion Nouvelle-France, composée essentiellement de jeunes officiers démobilisés, prend ses marques, le capitaine cherche le lieu idéal pour installer son école. Et son ambition ne s'arrête pas là. Sous l'impulsion de l'abbé de Nauroy, il décide de rencontrer des personnalités très diverses pour contribuer à bâtir un programme éducatif original. Le journaliste Hubert Beuve-Méry, ancien correspondant à Munich du journal Le Temps, et le philosophe chrétien Emmanuel Mounier partagent trois choses. Une foi intense, l'amour pour les écrits de Charles Péguy, et une très grande précarité dans ses premiers mois d'occupation. Méfiant d'abord vis-à-vis des allures aristocratiques et militaires du capitaine Ségonzac et de sa fascination par Pétain, il se laisse comme beaucoup séduire par le charisme de l'officier. Économiste, juriste, philosophe, artiste, c'est en fait tout un aréopage d'intellectuels qui se laissent tenter par l'aventure éducative proposée par le capitaine Ségonzac. Certains viennent d'horizons très divers, comme le compagnon charpentier Benino Caceres, le sociologue marxiste Geoffre Dumas-Dié ou encore l'entraîneur de foot Roger Vuillemin. Tout ce beau monde se réunit au château du Riage, près de Grenoble, où le capitaine a élu domicile. Nid d'aigle perché dans les montagnes du massif de Belledonne, le vieux château médiéval, habité par l'esprit du légendaire chevalier Bayard, a tout pour séduire le capitaine Ségonzac. Le rude hiver 1940 est une première épreuve, mais qui soude l'équipe. Mettant à contribution les stagiaires, la communauté s'emploie à remettre sur pied le château délabré, à construire un terrain d'entraînement et des baraquements pour accueillir les différentes promotions. La toute nouvelle école nationale des cadres de la jeunesse masculine, c'est son nom, trouve son rythme, entre maintenant dans un espace martial, enseignement intellectuel, découverte de la montagne et éveil artistique. L'actrice française Madeleine Barbulet est alors membre de la célèbre troupe de comédiens routiers d'Olivier Husneau qui séjourne au château. Chaque soir, ils animent les veillées des stagiaires du Riage avec des chansons et des pièces de théâtre. Et elle se souvient avec enthousiasme de cette époque. Mon souvenir du Riage, ça a été une espèce de fascination de petite fille devant ce château qui a un côté magique, vous savez, ce vieux château avec des grosses tourelles à poivrières, habité par tous ces jeunes types, tous ces chefs de l'école, qui étaient tous des très beaux garçons, solides, on aurait dit vraiment des moines soldats. Et tous étaient des gens remarquables. Et je garde de ça une espèce de souvenir mythique d'un lieu d'enchantement où, à travers cette espèce d'horrible chaos de la guerre, on avait trouvé une sorte de, je dis pas de paradis, c'est pas le mot, mais un printemps. Un printemps, le mot exprime bien l'ambiance hors du temps qui règne alors au château. En pleine occupation, Uriage apparaît à l'abri du marasme général. Un cadre sain au grand air, où une communauté d'hommes dans la fleur de l'âge, gagnée par un esprit d'initiative, s'applique à forger un homme français nouveau, rénové, prêt à mener le pays sur le bon rail. Mais contrairement aux apparences, cette école n'est pas le creuset d'une pensée moderne et progressiste. Sous influence des mouvements scouts chrétiens et de l'armée, dominée par une critique générale des dérives de la démocratie qui ont mené le pays à sa perte, disent-ils, l'école entretient des idées sociales en phase avec la révolution nationale. Oui, cette révolution souhaitée par le gouvernement de Vichy. Travail, famille, patrie. L'éloge du retour à la terre et la défense absolue de la famille patriarcale. Le chef français de demain sera masculin, cela va sans dire. Et le programme de chaque journée dans cette étrange phalansphère est strictement établi. 7 heures, décrassage. 7h15, toilette, petit déjeuner, mise en ordre des locaux. 8h45, salut aux couleurs. 9h, éducation physique. 10h30, cercle d'études ou conférences. Midi, déjeuner. 14h, retour au cercle d'études. 15h45, travaux manuels. 19h, dîner. 20h30, veillée. 22h, extinction des feux. L'équipe du Riage se dote aussi d'une règle stricte, sans nuance dans son goût pour la hiérarchie et son allégeance affirmée à Vichy. L'équipe du Riage est une communauté ordonnée à sa mission sous les ordres du vieux chef. L'obéissance à ses ordres ou ceux de ses représentants est entière en esprit et en fait. Elle est dominée par l'idée d'un loyalisme absolu envers la personne du maréchal Pétain, chef de l'État français. Elle s'engage à obéir avec une soumission totale aux ordres du maréchal. L'initiative complète l'obéissance et une totale franchise, une sincérité absolue, préside aux apports des équipiers et de leurs chefs, ainsi que des équipiers entre eux. La gaieté est l'expression naturelle de la totalité de l'équipe. Mais dans les plis de ce programme éducatif corseté, un esprit un peu singulier émerge dans la très hétérogène communauté du Riage. Hétérogène, oui. Les stagiaires sont recrutés dans toutes les couches sociales, de 18 à 40 ans. Tout Français qui a de l'étoffe est éligible. Se croisent ainsi aussi bien des étudiants bourgeois, des officiers de la vieille noblesse que des ouvriers, des industriels, des entrepreneurs ou même d'anciens prisonniers de guerre revenus d'Allemagne. Comme François Mitterrand, à ce propos, le musée de la déportation et de la résistance de l'Isère affirme qu'il y est bien passé. C'est une source. Mais c'est bien au sein de l'équipe des instructeurs qu'émerge petit à petit une pensée critique du régime de Vichy. Souvent, dans la petite église de Saint-Martin-du-Riage, l'abbé de Nauroy vocifère contre les nazis et leurs crimes. Personne ne le filtre alors. Le marxiste Dimas Dié, accompagné de son ami Charpentier Cacérès, sillonne les villages alentours et mène des études sociologiques. Il pousse Uriage à intégrer à son logiciel la lutte des classes et l'éducation populaire. Hubert Beuve-Méry se fait, lui, le grand défenseur de l'esprit d'ouverture et pousse chacun à affiner sa morale. Tandis que le philosophe Emmanuel Mounier nourrit la pensée d'Uriage de sa philosophie personnaliste. Critiquant aussi bien les totalitarismes fascistes et communistes que le libéralisme à l'anglo-saxonne, tous accusés d'aliéner la personne qui est sacrée, il cherche une nouvelle voie. Uriage se rêve alors en creuset d'une grande révolution personnelle et spirituelle, inventant une France nouvelle, plus juste, plus morale, plus forte. Du haut de sa stature pétainiste, Ségonzac, lui, sert de pare-feu. Il s'assure de la liberté de parole et du devoir d'écoute de chacun, peu importe les croyances. Nationaliste, chrétien, communiste, socialiste, libéral, peu importe, et en secret. Il s'entretient régulièrement avec son ami Henri Freinet, qui est en train de monter le réseau de résistance combat. Chaque jour, à 7h sur le terrain d'entraînement, le rustre Roger Villemin, professeur de sport, qui a la lourde charge de mettre tout ce petit monde au pas de course, apporte lui aussi sa pierre à l'édifice, comme le raconte l'abbé de Nauroy, genre esprit saint dans un corps saint. Vuillemin a eu une influence énorme dans cette école, parce qu'il a convaincu que si on organisait une course à pied, par exemple, et qu'on mette son pied 20 cm au-delà de la raie de départ, on était un salaud. Et que ce n'est pas comme ça qu'on gouvernait un pays. On ne gouverne pas un pays, on n'est pas en démocratie, si on est capable de tromper son camarade, son concurrent ou son associé, n'est-ce pas ? Autrement dit, un enseignement moral de loyauté, de rigueur, de dignité, ça c'est Vuillemin tout craché. Petit à petit, un esprit se forge, et bientôt la teneur un peu singulière des enseignements à l'école d'Uriage vient aux oreilles de Vichy. Alors l'étau se resserre, inévitablement. La vie coule, le temps passé demain déjà, se mélange à hier. La peur sous les tourments qui s'entassent et pèsent déjà sur nos deux. Aujourd'hui, l'école des cadres à Uriage. France Inter. Affaires sensibles. Juillet 1941. L'amiral Darlan, le second du régime de Vichy, est attendu au château d'Uriage pour une inspection de l'école des cadres. Quand Dunoyer de Ségonzac l'apprend, il sait que c'est pas une visite de courtoisie. La teneur de certaines conférences ne passe pas auprès des autorités. Il faut dire que les rumeurs vont bon train sur les activités de ces moines chevaliers qui clament, paraît-il, leur souhait ardent de la victoire des Anglais. Certains conférenciers se montreraient particulièrement critiques vis-à-vis de la politique de collaboration. Mounier, le philosophe, lui, est carrément soupçonné d'être à la tête d'un réseau de résistance. Donc, Uriage doit être mis au pas. Deux semaines avant la visite officielle de Darlan, deux grandes caisses contenant des portraits de lui et de Pétain sont envoyées au château. Mais Ségonzac les range soigneusement dans un placard. Et quand Darlan arrive à Uriage, il ne trouve que les murs de pierre grise pour se contempler. Quelques images d'actualité sont tournées pour la propagande du pouvoir. On y voit Darlan discutant paisiblement avec ses Gonzacs et saluer tout le personnel de l'école. avant qu'un beau lever de drapeau ne raconte l'harmonie entre le pouvoir et son école d'élite. Pour autant, la visite ne se déroule pas tout à fait comme ça. L'abbé de Norrois et Gilles Ferry en témoignent au micro d'Emmanuel Laurentin sur France Culture. Là aussi, il y a eu une visite de l'amiral Darlan. Je me précipite, je refuse bien entendu de lui serrer la pince et je me réfugie dans les tours du château, il y en a plusieurs, pour regarder la scène. Furieux d'ailleurs, remarchant ma colère. La visite de Darlan en 1941, est-ce que vous vous en souvenez, Gilles Ferry? Oui. Il paraît qu'il est parti assez furieux. Oui, mais bien sûr. Il a vraiment senti, saisi et constaté que son discours ne passait pas. Au moment où, dans la cour de l'école, Darlan entame un long argumentaire pour défendre la politique de collaboration, en substance, la guerre est perdue, il faut bien composer avec les exigences allemandes, même si ce n'est pas de gaieté de cœur, l'amiral ne remarque probablement pas les yeux du résistant Henri Freinet, dissimulé dans la foule de stagiaires qui le fusillent du regard. En revanche, l'apparition spectaculaire de l'abbé de Norrois, qui enfin est descendu de sa tour, vient se poster bras croisés au premier rang, défiant le second du régime. Ça, l'amiral Collabo l'a forcément remarqué. Alors évidemment, un aumônier ahuriage, payé par de l'argent des contribuables français, mais passant par Vichy. Un aumônier qui raconte, passait son temps à raconter ses aventures en Allemagne, parler du nazisme, n'est-ce pas, et exécrer le Hitler et consorts, et qui n'attendait qu'une chose, c'est que son évêque lui permette de rejoindre le général de Gaulle, ça n'allait pas du tout. Alors j'ai été vidé avec perte et fracas à ce moment-là. L'abbé de Norrois, que vous venez d'entendre, est donc viré. Mais l'école n'est pas démantelée sur le champ, non. Pire, on lui augmente ses subventions, on éponge ses dettes et en contrepartie, on la nettoie. En plus de l'abbé de Norrois, c'est Gonzague est sommé de renvoyer Emmanuel Mounier. À la fin de l'été, ce sont les premiers duriages à entrer en clandestinité. À l'école, l'utopie des premiers mois a laissé place à une évidente méfiance. Des mouchards de Vichy se mêlent au groupe de stagiaires. L'automne 41 arrive, et dans les montagnes environnantes, l'agitation commence. C'est Gonzac cherche à établir un contact avec les premiers groupes de résistants qui trouvent refuge dans les massifs. À Grenoble, les inscriptions antisémites fleurissent sur les vitrines, accompagnant les lois raciales. Quand l'hiver arrive, c'est Gonzac prend la parole devant un groupe d'officiers venus en stage au château. Dans ses mémoires, il se souvient de ce moment de rupture. Difficile à vivre pour un officier patriote et pétainiste. À l'issue d'un stage d'officier de l'école de Saint-Cyr, je pris clairement position pour la mise en discussion de l'ordre officiel. Rien ne m'a été plus pénible que cet appel à la désobéissance fait par un officier à d'autres officiers. Nous avions tous été élevés dans le culte du dogme de la discipline et j'avais le sentiment d'accomplir la plus grave des fautes, celle contre l'esprit. Cependant, les initiatives gouvernementales, dont je continuais à croire que le maréchal Pétain les acceptait contraints et forcés, justifiaient la révolte, ou tout au moins une interprétation large et libre des directives officielles. Il est bien évident que de telles prises de position devaient valoir des difficultés. C'est Gonzac est convoqué à Vichy plusieurs fois. S'il parvient à rassurer ses interlocuteurs, à démentir les rumeurs, il sait que le coup près n'est pas loin. L'école joue un double jeu très dangereux. Mais il ne peut plus reculer. Au printemps 42, Pierre Laval, partisan de la ligne dure d'une politique de collaboration, est revenu au pouvoir à Vichy. Le château du Riage se prépare à la guerre. La bande des secrétaires, les seules femmes du château avec les compagnes des instructeurs, parmi lesquelles Yvonne Jacquot, nom de résistance, Jacotte, anime un bureau clandestin bouillonnant. Création de faux papiers, documentation clandestine, transmission d'informations entre les différents réseaux de résistance. Le compagnon charpentier Cacérès, lui, est chargé par ses gonzagues de créer des faux plafonds pour y cacher des fusils mitrailleurs. Un nouvel instructeur arrive au château. Il s'appelle Gilbert Gadoffre. Il est professeur de littérature anglophone et proche des réseaux gaullistes à Londres. Il devient central dans le dispositif de ses gonzagues. La connexion entre Uriage et les différents réseaux de résistance est alors pleinement établie. À l'été 42, une rafle à Grenoble emporte près de 600 personnes vers les camps de la mort. Le 11 novembre de cette même année, l'armée allemande envahit la zone libre et De Gaulle réagit. Honneur et patrie, écoutez, général de Gaulle, le 18 juin 1940, j'ai invité les officiers, les soldats, marins, aviateurs français, les techniciens, les ouvriers spécialistes à se mettre en rapport avec moi pour continuer le combat. Aujourd'hui, 11 novembre 1942, à la veille de la victoire et au moment où Hitler va occuper tout le territoire, je répète mon appel. Français et Françaises de France, si vous le pouvez, profitez des quelques heures dont vous disposez encore pour venir vous joindre à ceux qui luttent pour la France. Reçu 5 sur 5. Au Fort Barreau, non loin du Riage, le résistant Roger Stéphane est enfermé dans des conditions effroyables. C'est Gonzac, missionné par son ami Freinet pour organiser son évasion. C'est le sociologue Dumasdier qui mènera les opérations. Le 16 novembre, le prisonnier est transporté à l'hôpital près de Grenoble et le commando, dirigé secrètement par Uriage, attaque. Roger Stéphane est libéré. Uriage entre là et pleinement en résistance. Mais avec la Gestapo qui s'installe à Grenoble, le double jeu de l'école ne peut plus durer bien longtemps. En cet hiver 42, la tension est à son comble, à Uriage. Louise Marie Ardin, une autre secrétaire résistante, se souvient de ces moments. On s'attendait toujours à la dissolution de l'école, on a vécu comme ça. On savait qu'il y avait des moutons, que parmi les stagiaires, il y avait des gens qui étaient envoyés pour voir ce qui était enseigné à l'école. Il y avait des choses comme ça, et puis on savait très bien qu'on n'allait pas vivre très longtemps. Et je me rappelle quand l'aumônier est venu nous dire, le père des Alleux qui était un dominicain, est venu nous dire que l'école était dissoute. Bon, ben, nous sommes restés un peu comme ça, consternés. Et les secrétaires nous ont dit, mais non, au contraire. Ça y est, c'est terminé, ça y est, c'est fini. On entre dans la résistance, venez chanter un Tédéum. Retour à notre scène de départ, dans cette nuit glaciale de Noël 1942, où près de 100 personnes prennent le maquis. Mais toutes ne vont pas au même endroit. Tandis que c'est Gonzac part rencontrer les groupes de résistants dans toute la France, Hubert Beuve-Méry entre sur les terres sauvages du massif du Vercors, où il participe avec Alain de Rey, un ancien stagiaire du Riage, à constituer une véritable forteresse de la résistance, en plein cœur de la France occupée. Un petit groupe d'uriagistes, sous la direction du prof d'anglais Gilbert Gadoffre, trouve refuge dans le château d'un oubliot du coin, sympathisant la cause. À ce petit noyau d'intellectuels a été confiée une tâche de la première importance. Travailler nuit et jour pour perpétrer l'esprit d'Uriage et constituer une somme, un épais volume intitulé « Vers le style du XXe siècle », regroupant tous les fondements de la pensée de l'école et son esquisse d'une société française idéale. Un peu comme le fera le Conseil national de la Résistance qui, au-delà de mener le combat contre l'occupant, imaginait la France de l'après-guerre, une France démocratique et sociale. Mais ce n'est pas la seule mission du groupe Uriage. Il organise aussi des équipes volantes, partant à deux ou trois rejoindre les différents maquis dans le Vercors tout proche, mais aussi en Savoie et Haute-Savoie, sur le fameux plateau des Glières. Les équipes d'Uriage tiennent des conférences clandestines dans l'obscurité des grottes. Aux jeunes maquisards, ils offrent une éducation politique et spirituelle. On y étudie aussi l'art de la guérilla, le sens de la guerre et la nécessité de construire une France nouvelle. Déserté par l'école des cadres, le château d'Uriage passe, lui, sous le pavillon de la terrible milice de Joseph Darnan. Mais rien n'empêchera la milice de vivre. Dans ces écoles, où les sessions se succèdent, des cadres nouveaux reçoivent la formation morale, politique et administrative qui les rendra capables de constituer l'armature de l'État nouveau. Et lorsqu'au soir d'une journée de labeur, les couleurs descendent dans le ciel du Dauphiné, l'appel des morts rappelle à tous la grandeur du travail, la vertu de l'effort et la valeur du don de soi. Ainsi vit la milice française. Ces quelques images ne vous ont dévoilé que certaines de ses activités. Elles sont cependant le témoignage d'une ferme volonté au service d'une idée forte consolidée par une foi inébranlable. Le château écrit alors sa légende noire, lieu de torture et d'exaction, forteresse imprenable de laquelle partent toutes les expéditions meurtrières des jeunes gens brigadés dans la milice. Le village de Saint-Martin-d'Uriage est plongé en plein cauchemar. Ainsi, les pions sont-ils placés sur l'échiquier, alors que viennent les heures décisives de 1943 et 1944. À la Gestapo et aux milices de Darnan, les maquis des Alpes répondent par une guérilla de chaque instant. L'équipe du Riage participe activement à cette lutte acharnée. En 1944, c'est Gonzac qui a annoncé un peu plus tôt à son équipe son ralliement au général de Gaulle, va rencontrer le général à Alger. Mais l'homme du 18 juin n'est pas prêt de pardonner à ce maréchaliste de la première heure. Louise-Marie Ardin témoigne. Que le général de Gaulle n'ait pas félicité le vieux chef en lui disant qu'il était le plus grand des résistants, d'accord. Il n'en demandait pas tant, certainement. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que pour tout ce qu'il avait fait à Uriah, je n'ai pas compris qu'il soit, on peut dire, évincé. Le vieux chef est allé à Alger, nous étions à Paris à ce moment-là. Je me rappelle avoir tapé les notes sur Alger, et, où le vieux chef donnait ses impressions, et il a été reçu froidement. Il ne contestait pas que de Gaulle était un personnage unique, il ne contestait pas, mais lui, il a été reçu froidement, oui. Je pense que nous étions des vichistes, et puis un point c'est tout, point final. Et alors, quand je vois tout dans l'équipe tous ceux qui sont morts pour la France, pour eux, j'en ai un peu mal au cœur. Ainsi, à l'instar du cavalier Dunoyer de Ségonzac, qui se fait bien discret après la guerre, l'équipe du Riage se disperse à la Libération et l'histoire de son école s'évapore. Dans une mémoire de la Seconde Guerre qui ne retient que les gentils et les méchants, les héros et les traîtres, que faire en effet de ces hommes du Riage à la trajectoire trouble et de leur école aussi vichiste que résistante? C'est pourtant une trajectoire qui va dans le bon sens. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison de. Dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, l'ennemi l'a su. Il est mort sans surprise. Souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'école des cadres à Uriage, dont nous parlons avec notre invité Olivier Wiewiórka. Bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire à l'ENS Cachan, spécialiste de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance française. Alors, au début, qu'est-ce qui pouvait attirer ces hommes d'Uriage dans les principes de la Révolution nationale de Pétain, dans la critique générale de la démocratie, en l'occurrence la Troisième République? Que pensait-il exactement avant de comprendre que ce régime de Vichy était un régime félon, réactionnaire et antisémite ? Eh bien, je pense que, avec l'effondrement de la Troisième République, cette défaite militaire, ce traumatisme, eh bien, tout un espace politique s'ouvre, au fond, pour tous les individus qui pensaient que la France était entrée en décadence. Eh bien, l'heure était peut-être venue de procéder à une forme de révolution nationale. Et c'est donc cette espérance qui anime, me semble-t-il, les gens autour du Riage. Alors, avec la révolution nationale, si vous voulez, pour tous ces individus qui portait un regard extrêmement sévère sur le régime défunt, vous avez des zones de convergence. Hein. L'idée que les partis politiques ont joué un rôle nocif, l'idée que la corruption était abominable, l'idée que la lutte des classes conduisait la France aux abîmes. Vous avez également ce refus du capitalisme, cette haine du capitalisme. L'idée également que l'individualisme était quelque chose de nocif, hein, cet individualisme consacré au fond par la Révolution française. Donc vous aviez au fond des zones de convergence entre ce que portait ce groupe, on y reviendra, et d'autre part la Révolution nationale que prétendait lancer Philippe Pétain. Alors il y a dans l'organisation de cette école quelque chose, je disais tout à l'heure, un esprit saint dans un corps saint qui ressemble au programme de jeunesse orchestré par les régimes fascistes voisins. Oui, alors, bien entendu, il y a ce que l'historien Philippe Burin appelle les champs magnétiques du fascisme. Donc, il y a une certaine, comment dirais-je, porosité entre des formes politiques, des mouvements sociaux, des groupes de réflexion et le fascisme. Dans le même temps, je ne pense pas, si vous voulez, que ni Uriage, ni le régime de Vichy se soient inspirés des mouvements fascistes pour éduquer la jeunesse. Je pense que Uriage et la Révolution nationale sont beaucoup plus proches, par exemple, du scoutisme, beaucoup plus proches du catholicisme social. C'est là les racines, beaucoup plus que le fascisme. Pétain n'a jamais voulu faire une jeunesse unique. Alors que, en revanche, en Allemagne d'une part, en Italie de l'autre, l'ambition de modeler la jeunesse est très forte. Et si Pétain refuse la jeunesse unique, c'est parce que vous avez quand même dans le régime de Vichy, et peut-être aussi à Uriage, une composante cléricale, et que le régime de Vichy, comme Uriage, ne veut pas nécessairement entrer en collision avec l'Église. Or, tôt ou tard, à partir du moment où vous faites une jeunesse unique, vous entrez en collision avec l'Église, qui, elle aussi, a ses mouvements de jeunesse. On sait qu'en Allemagne, ça n'a pas effarouché le Führer. En revanche, lorsque Mussolini a voulu créer sa jeunesse unique, le pape a quand même brandi l'arme de destruction massive en le menaçant d'excommunication, oui. Ce qui en Italie... Donc je crois, si vous voulez, que vous n'avez pas cette ambition de jeunesse unique à Vichy, comme, en revanche, elle existe dans le régime nazi d'une part et dans le régime fasciste de l'autre. Et alors ces stagiaires d'Uriage, est-ce qu'ils pensent que ce régime de Vichy finalement va reprendre les armes contre les Allemands quand la France aura retrouvé son souffle ? Est-ce qu'il y a cette espérance-là ou est-ce que c'est « bon, ben, on va vivre sous le joug des Allemands, c'est comme ça, ça nous fait pas plaisir mais on va essayer de s'en tirer ?» Alors, je pense que, comme vous le dites, vous n'avez absolument aucune connivence, aucune admiration pour le nazisme. Ça, c'est absolument évident. De l'autre, je crois, et c'est peut-être cela la grande différence entre Uriage et De Gaulle, c'est que ces individus font de ce qu'on appellera le redressement national la priorité. Ouais. Alors que pour le général De Gaulle, la priorité, c'est la lutte. Et donc, c'est ça, je pense, qu'Uriage ne comprend pas. Uriage croit qu'il peut bénéficier de marge de manœuvre à l'intérieur de l'État français, ce qui est une illusion comparable à celle des communistes qui voulaient changer le parti de l'intérieur. Donc il pense avoir des marges de manœuvre. Et surtout, ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas réformer un pays sous la botte. Et c'est, je crois, dans cette hiérarchie des priorités que naît l'incompréhension et, je dirais, le dissentiment entre Uriage et le général de Gaulle. Et pour le général de Gaulle, être résistant, si j'ai bien compris, c'est d'abord et avant tout être résistant de la première heure. Les parcours sinueux, même s'ils vont dans le bon sens, ils ne les légitiment pas. Alors, de Gaulle, quand même, Claude Bouchinet-Sérol, le successeur de Jean Moulin, le disait, si de Gaulle n'avait pris dans ses équipes que des gens qui avaient entendu l'appel en 1940 et qui l'avaient rejoint... Il n'y aurait pas eu grand monde. Bon, donc de Gaulle est beaucoup plus souple que ce que l'on souligne. Et vous avez rappelé fort justement que Noroy a été compagnon de la libération. Or, c'est de Gaulle qui veillent de très près à l'attribution de cette décoration extrêmement, extrêmement prestigieuse. Donc vous n'avez pas, si vous voulez, d'hostilité. Ce que reproche, je crois, De Gaulle à Dunoyer de Ségonzac... Oui, c'est... parce que c'est lui que j'évoquais, quand il le voit, c'est très froid. C'est très froid, et voilà ce qu'il lui déclare, voilà ce qu'il déclare à Freinet pour expliquer la froideur de son accueil. Son attitude, quelles qu'aient été ses intentions, ajoutait à l'affreuse confusion qui a marqué l'opinion. Et De Gaulle, c'est la ligne claire, il faut se battre et gagner la guerre, alors que Uriage, c'est la ligne floue. Ouais, essayons bah oui. d'abord de réformer le pays, construisons une jeunesse saine, bâtissons les cadres, et où est la lutte? Pour De Gaulle, c'est la priorité, je pense que c'est en cela qu'il n'aime pas les gens d'Uriage. Olivier Viviorca, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Noël Gallagher, Isina. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vous ne me démentirez pas, Olivier Viviorca, l'histoire n'aime pas le manichéisme, les périodes de troubles ne révèlent pas les bons et les méchants, hein, la réalité est plus compliquée. Est-ce que la trajectoire des hommes d'Uriage est symptomatique de ce qu'on appelle justement les vichysois résistants? Oui, tout à fait. On peut affirmer que ce sont des vichistos résistants, c'est-à-dire des individus qui pensent que, au fond, Vichy prépare la revanche, qu'on peut, par ailleurs, créditer Vichy de bonnes intentions sur le plan intérieur. Donc, il faut encourager Vichy qui va nettoyer les écuries d'Augias, tout en préparant la revanche, et du coup, faire un bout de chemin avec Vichy. Ce que n'est pas Henri Freinet, l'ami de Dunoyer de Ségonzac, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que Freinet et Dunoyer de Ségonzac ont, pour aller vite, les mêmes idées, sauf que Freinet, lui, ne se méprend pas sur la hiérarchie des urgences. Il fonde un mouvement de résistance, combat, alors que Dunoyer de Ségonzac, lui, s'engage quand même avec Vichy. Donc oui, on a affaire à des vichisto-résistants, c'est-à-dire des gens qui sont d'abord vichistes, favorables à un certain nombre de réformes intérieures de Vichy, maréchalistes, ils vénèrent le maréchal Pétain, et qui ensuite vont basculer dans la résistance. Est-ce que ça constitue une partie minoritaire, voire marginale? Non. Entre ceux qui s'engagent dans le bon camp et les autres dans le mauvais? Non, parce que si vous voulez, la résistance, je crois, tous mes collègues ne sont pas d'accord, a été un phénomène minoritaire en France. Dans cette minorité, vous avez eu ce qu'on appellera les purs, ceux qui, dès le début, résistent. Et puis, ceux qui, dès le début, résistent, sont rejoints, au fur et à mesure, par un certain nombre de groupes sociaux, par un certain nombre d'individus. Et les vichistos-résistants font partie de cette cohorte. Mmh. dans les Vichistons résistants, on a aussi, il ne faut pas l'oublier, une partie des militaires. Une partie des militaires qui, jusqu'en novembre 1942, invasion de la zone libre par le Reich, croient encore que Pétain va résister et qui, soulignons-le, ne sont pas en désaccord avec sa politique intérieure. Ouais. Donc, de ce point de vue-là, ces vichisto-résistants, ce n'est pas toute la résistance, mais c'est une part non négligeable. C'est l'invasion de la zone libre qui est le point de bascule ? Pour beaucoup, c'est l'invasion de la zone libre parce que, à partir de cette invasion, d'abord, ne l'oublions pas, Vichy perd tous ses atouts. Perd l'Empire, puisque les Anglo-Américains ont débarqué en Afrique du Nord le 8 novembre 1942 et que l'amiral Darlan a rallié les territoires dissidents pour les mettre, au fond, au service des Alliés, même si les motivations de Darlan ne sont pas très, très claires et très nettes. Par ailleurs, la flotte française s'est sabordée à Toulon. Et enfin, le territoire de la zone libre est envahi. Donc Vichy n'a plus aucun moyen de négociation. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, les masques tombent, car beaucoup auraient espéré que le maréchal Pétain prenne l'avion pour rejoindre l'Afrique du Nord. Il ne le fait pas. Et à partir de ce moment-là, tous les espoirs que l'on pouvait placer en Pétain, l'idée qu'il préparait la revanche, eh bien au fond s'évanouissent et une partie des Français comprennent que au fond Vichy n'a aucune marge de manœuvre et que Pétain ne veut surtout pas préparer la revanche. Alors, puisqu'on parle des vichysois résistants, peut-être le plus connu de France, c'est François Mitterrand, si on peut le mettre dans cette catégorie. En tout cas, Pierre Péan a révélé tout ça dans son livre « Une jeunesse française ». Le musée de la déportation et de la résistance des militaires confirme qu'il y est bien passé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sources autour de François Mitterrand. Pour vous, il y est passé, pas passé. Qu'est-ce que vous avez vu dans vos recherches? Moi, j'ai pas travaillé sur François Mitterrand. Ça ne m'avait pas frappé. Mais j'en accepte l'augure. Hein. Il a pu tout à fait passer à Uriage, comme vous l'avez souligné, les 3000 stagiaires qui ont suivi un certain nombre de sessions. Mais oui, François Mitterrand est un vichiston résistant. C'est le grand apport du livre de Péan de montrer que, au fond, il a quand même cru dans Vichy, même si par la suite il s'en désolidarise et qu'il mène une résistance tout à fait active et valeureuse. Oui, dans le réseau Morlan, notamment. Alors, on a peine à croire, toutefois, à notre époque, qu'une institution de Vichy puisse laisser se perpétrer un double jeu pendant aussi longtemps, parce qu'il y a un moment dans cette école, il y a un double jeu. On voit bien, on l'a raconté d'ailleurs, on voit que ce sont des résistants en herbe qui deviennent des résistants. C'est un gouvernement qui surveille tout, c'est tout sauf une démocratie, tout sauf une liberté individuelle. Pourquoi l'école a réussi comme ça à entretenir en elle des futurs résistants ? Alors, tout d'abord, ce sont des futurs résistants peut-être, mais ce ne sont pas des résistants au départ. Non, enfin, ils sont critiques assez vite quand même. Voilà, ils sont critiques. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire des régimes autoritaires, des régimes qui contrôlent tout, qui n'acceptent pas la moindre critique. C'est pourtant la définition des régimes autoritaires. Oui, bien entendu. Mais même aujourd'hui, si vous voulez, en Chine, le président ne contrôle pas tout ce qui se passe au niveau des provinces, tout ce qui se passe au niveau de l'armée, etc. Bon, donc, quel est, si vous voulez, le coût pour Vichy? En quoi Uriage représente-t-il un danger pour Vichy? Je crois que c'est ça aussi. Bon, voilà, ils veulent former des chefs, ils courent le matin, c'est les séances de décrassage, c'est du scoutisme. En quoi y a-t-il une nocivité? Je pense que Vichy peut tolérer, au fond, une institution qui reste quand même, à ses yeux, relativement marginale. Je pense qu'il n'aurait pas toléré cela, par exemple, dans l'armée. Si l'armée, effectivement, avait créé une sorte d'institution un peu parallèle, eh bien, je crois que Vichy aurait été plus ferme dès le départ. Ceci dit, toléré, quand même, dès le début, vous l'avez rappelé, des têtes tombent, c'est le cas de Mounier. Ensuite, d'autres têtes continuent à tomber. Et puis ensuite, l'école est fermée. Donc la tolérance de Vichy est quand même une tolérance relativement limitée. Alors ensuite, même en même temps, donc les Alpes vont devenir un foyer de résistance. Donc je pense à Uriage et ses environs, je pense à la résistance dans le Vercors, je pense pour le coup en Haute-Savoie sur le plateau d'Aiglières. Qu'est-ce qui fait que ces Alpes-là sont un terrain apparemment favorable à la résistance? C'est dû à la nature du terrain? C'est dû à quoi? Oui, comme vous le soulignez, les Alpes sont un massif montagneux. Et donc, vous allez avoir, avec un événement quand même qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire l'instauration du service du travail obligatoire. Là, j'ouvre une parenthèse, on parle toujours de l'instauration du service du travail obligatoire loi de février 1943 qui appelle trois classes d'âge. Mmh. Mais cela a été précédé par une loi du 4 septembre 1942 sur l'orientation et la réquisition de la main-d'œuvre. Donc vous allez dire, ah là là, ces historiens, ils se noient dans le détail, mais c'est pas un détail puisque c'est à peu près 600 à 650 000 Français qui ont été obligés de partir en Allemagne, la moitié l'ont été au titre de la loi de septembre 1942. Ce qui veut dire que tous les Français qui veulent échapper au service du travail obligatoire dès septembre 1942 vont essayer de chercher refuge. Et où chercher refuge? Naturellement, dans maquis. Des massifs montagneux. Et de le fameux maquis. Très bien. Vous ne vous perdez pas dans des détails, mais dans des précisions. Exact. Ce qui est très différent. Vous êtes historien, quoi. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Merci. Affaires sensibles aujourd'hui, Curiage de Vichy à la Résistance, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Florian Dorimini.